Chapitre 8e. Favorisé d'un bon vent d'est, je gouvernais sud-ouest. Pour plus de sûreté, nous mettions en panne chaque nuit, car nous étions très proches de l'archipel des îles Basses, qui est toujours passé pour fort dangereux. Il n'est pas possible de décrire la joie que ressentit l'équipage quand on mit le cap sur Tahiti. Certains de la bienveillance des naturels, nous regardions cette île comme une seconde patrie. Nos malades comptaient rétablir leur santé en se promenant et se reposant à l'ombre de ces bocages et en partageant les mets délicieux des naturels. Nous découvrîmes la haute terre de Tahiti le 21 avril, et à midi, nous nous trouvions environ 13 lieues de la pointe Vénus sur laquelle je gouvernais. Chacun, dans son ivresse, contemplait la métropole des îles du tropique. Elle était infiniment plus belle que 8 mois auparavant. Quand les insulaires nous aperçurent, ils mirent leurs pirogues en mer et nous apportèrent des fruits en présent. Parmi les premiers qui vinrent à bord, il y avait 2 jeunes gens d'un certain rang. Nous les fîmes entrer dans la chambre du capitaine où on leur présenta Eudidée. La politesse de la nation voulait qu'ils offrissent en don des vêtements, et à l'instant ils ôtèrent les leurs, qui étaient d'une étoffe fine, et les mirent sur ses épaules. Pour le remercier, il leur monta tous ses trésors et leur donna quelques plumes rouges auxquelles ils attachaient un grand prix. Le lendemain 22 avril, je mouillai dans la baie de Matavai. Nous n'avions personne de dangereusement malade. Les rafraîchissements pris aux marquises avaient écarté le scorbut. J'étais décidé à ne relâcher sur cette île que peu de jours. Je croyais que nous n'aurions pas plus de succès que l'année précédente. Mais la manière dont on nous reçut et les excursions que nous fîmes dans les plaines me convainquirent de mon erreur. Je résolus donc de faire à Tahiti un plus long séjour et d'ordonner que l'on commençât le radouk du vaisseau. Le matin du 26, j'allai à terre. En approchant, nous remarquâmes quantité de grandes pirogues allant et venant. Nous fûmes surpris à notre arrivée d'en voir plus de 300 rangées en ordre le long de la côte, toutes complètement équipées et armées, et sur le rivage, un nombre considérable de guerriers. Un armement si inattendu, rassemblé autour de nous en l'espace d'une nuit, excita différentes conjectures. Nous débarquâmes cependant au milieu de la flotte, que nous examinâmes avec soin. Les bâtiments de guerre consistaient en 60 grosses doubles pirogues de 40 à 50 pieds de long, bien approvisionnées et bien armées. Les chefs et tous ceux qui occupaient les plateformes de combat étaient revêtus de leurs habits militaires. Ce vêtement était très bigarré. Il consistait en 3 grandes pièces d'étoffe, trouées au milieu et posées les unes sur les autres. Celle du dessous, la plus large, était blanche, la seconde, rouge, la troisième et plus courte, brune. Les boucliers étaient d'osier, ornés de plumes et de dents de goulu. Nous vîmes quelques casques d'une grandeur énorme, car ils avaient près de 5 pieds de haut. C'étaient de longs chapeaux cylindriques faits d'osier. Ils étaient partout revêtus des plumes luisantes, bleues et vertes, d'une espèce de pigeon et d'une jolie bordure de plumes blanches. Un nombre prodigieux de longues plumes empruntées à la queue des oiseaux du tropique divergeaient de leurs bords en rayons, ceux qui ressemblaient à l'auréole que les peintres placent sur la tête des anges et des saints. Un grand turban d'étoffe servait de base à cette parure incommode. Mais comme les guerriers veulent seulement, en la mettant, éblouir les spectateurs, et qu'elle n'est peut-être d'aucune utilité, ils l'ôtèrent bientôt et la posèrent sur la plateforme. Les principaux commandants se distinguaient d'ailleurs par de longues queues de forme arrondie, composées de plumes vertes et jaunes, qui leur pendaient dans le dos et rappelaient notre esprit les pachas turcs. Des pavillons, des banderoles décoraient les pirogues, de sorte qu'elles formaient un spectacle majestueux que nous ne nous attendions pas à voir dans ces mers. Les bâtiments étaient rangés les uns près des autres, la proue tournée vers la côte. Le vaisseau amiral occupait le centre. Outre le bâtiment de guerre, il y avait 170 doubles pirogues plus petites, portant un mât et une voile, ce qui manquait aux pirogues de guerre. Nous jugeâmes ces autres pirogues destinées au transport et à l'avitaillement, car on ne laisse dans les bâtiments de guerre aucune espèce de provision. Je comptais qu'il n'y avait pas moins de 7760 hommes sur ces 330 bâtiments. Ce nombre paraît d'autant plus incroyable qu'on nous dit qu'ils appartenaient seulement à 2 des districts de l'île. Le spectacle de cette flotte accroissait encore les idées de puissance et de grandeur que nous avions déjà relativement à cette île, et tout l'équipage était dans l'étonnement. En pensant aux outils que possède ce peuple, nous admirions le travail et la patience qu'il leur avait fallu pour abattre des arbres énormes, tailler et polir les planches, et enfin porter ces lourds bâtiments ainsi au degré de perfection. C'est avec une hache de pierre, un ciseau, un morceau de corail et une peau de raie qu'ils avaient produit tous ces ouvrages. En longeant l'arrière des pirogues jusqu'à l'extrémité de la file, nous remarquâmes dans chaque bâtiment un gros tas de piques, de longues massues, de haches de bataille dressées contre la plateforme. Chaque guerrier tenait d'ailleurs une pique ou une massue. Il y avait aussi des amas de grosses pierres, les seules armes de jet que nous aperçûmes. Nous observâmes sur quelques-unes des petites pirogues des feuilles de banane, et les naturels nous apprirent que c'était là qu'on déposait les morts. Ils donnaient à ces bâtiments le nom de pirogue de la divinité. Le nombre infini d'Indiens ainsi rassemblés nous frappait au moins autant que l'aspect brillant de cette marine. Nous nous fîmes, le chef et moi, des présents mutuels, et après avoir pris congé, nous retournâmes à bord. La flotte faisait partie d'un armement destiné à combattre une île voisine, dont le chef avait secoué le joug de Tahiti et s'était rendu indépendant. Le 31 avril, j'eus l'occasion de voir les équipages de 10 pirogues de guerre exécuter une partie de leurs manœuvres. Elles étaient parties de la côte avant que j'en fusse informé, de sorte que je n'assistais qu'à leur débarquement. Les Indiens avaient tous leur équipement de combat. Les guerriers portaient leurs armes et leurs vêtements militaires. Je remarquai qu'au moment où la pirogue touchait à terre, les rameurs sautaient dehors et qu'à l'aide de ceux qui se trouvaient sur la côte, ils traînaient le bâtiment à un endroit convenable. Tout cela se fait avec tant de promptitude que 5 minutes après le débarquement, il ne semble pas qu'il se soit passé rien de pareil. Le 14, Eudidé se rendit à bord et m'apprit qu'il se décidait à rester dans l'île, mais M. Forster le détermina à nous accompagner à Olietea. Il me présenta plusieurs insulaires de Bola Bola dont l'un était son frère. Il demanda à être transporté aux îles de la Société et je consentis. Un vent frais nous éloignait de Tahiti. Nous regardions toujours cette île charmante lorsqu'un autre spectacle attira nos regards sur les ponts. C'était une des plus belles femmes de l'île qui avait résolu de nous accompagner à Olietea, sa patrie. Ses parents, qu'elle avait quittés quelques années auparavant, vivaient encore et sa tendresse filiale la portait à les revoir. Comme le roi avait défendu expressément à tous ses sujets de nous suivre, elle s'était cachée à bord pendant la dernière visite de ce prince, mais se voyant enfin en pleine mer, elle ne craignit point de se montrer. Le frère de Didée, son domestique et 2 autres naturels de Bola Bola, nous accompagnèrent aussi. Ils se fiaient volontiers aux étrangers qui avaient ramené si fidèlement l'un de leurs compatriotes et qui s'efforçaient de leur donner toutes sortes de marques d'amitié. Leur compagnie anima notre conversation et abrégea en quelque sorte notre passage à Ouahim. La Tahitienne portait l'habit complet d'un de mes officiers. Il était si charmé de son nouveau vêtement qu'elle descendit à terre ainsi vêtue dès qu'on eut abordé. Elle dînait avec nous sans le moindre scrupule et rit des préjugés de ses compatriotes à ce sujet avec toute la grâce d'une femme du monde. Si son éducation avait été soignée, elle aurait brillé par son esprit même en Europe, puisque son extrême vivacité, jointe à des manières très polies, la rendait déjà supportable. Nous naviguâmes toute la nuit, et le 15 au matin, nous découvrîmes Ouahim. Je mouillai à l'extrémité septentrionale du Havre. Le 17 au soir, quelques-uns de nos messieurs assistèrent à une représentation dramatique. La pièce mettait en scène une fille qui s'enfuit avec nous de Tahiti. Le fait, comme on l'a vu plus haut, était vrai. La jeune femme dont il a été question vit elle-même jouer ses propres aventures, ce qui lui causa tant de chagrin que nos messieurs eurent toutes les peines du monde et la décidèrent à rester jusqu'à la fin. Elle versa beaucoup de larmes. La réception que lui faisaient ses amis à son retour formait le dénouement de la pièce, qui n'était guère favorable à la pauvre Tahitienne. Il est à supposer que les insulaires punissaient cette fille par une satire afin de décourager celle qui aurait voulu suivre son exemple. Le 4 juin 1774, j'ordonnai de tout apprêter pour l'appareillage. Le chef Oreo et toute sa famille vinrent nous dire adieu. Ils étaient accompagnés de plusieurs de leurs amis. Ils nous apportèrent tous des présents, et je leur donnai tout ce qui me restait de marchandises et autres objets. L'hospitalité avec laquelle ces gens m'avaient accueilli me les rendait chers, et ils méritaient bien d'obtenir de moi tout ce qu'il était en mon pouvoir de leur accorder. Pendant qu'ils restèrent à bord, ils ne cessèrent de me supplier de revenir les voir. Le chef, sa femme et sa fille, surtout les 2 femmes, pleurèrent presque sans relâche. Je ne sais pas si leur chagrin était réel ou simulé, peut-être y avait-il quelque chose de factice, mais je le crus réel. Enfin, quand il fallut lever l'ancre, ils prirent congé de nous d'une manière très affectueuse et très tendre. Comme je ne pouvais ni promettre ni espérer qu'on enverrait de nouveaux vaisseaux sur ces îles, Eudidé, notre fidèle compagnon, se décida à rester dans sa patrie. Mais il nous quitta avec des regrets qui montraient bien son estime pour nous, et rien ne put le déterminer que la crainte de ne jamais revoir son pays. Quand le chef me pressa avec tant d'instance de revenir, je lui fis quelquefois des réponses qui laissaient un peu d'espérance. À l'instant, Eudidée me tirait à part et se faisait répéter ce que je venais de dire. Lorsqu'il fallut nous séparer, il courut de chambre en chambre pour embrasser tout le monde. Enfin, je ne puis pas décrire les angoisses qui remplirent l'âme de ce jeune homme quand il s'en alla. Il regarda le vaisseau, fondu en larmes, étendant les bras vers nous.